Au restaurant des chauffeurs, Monsieur le voisin consulte le menu. Voyons. Potage aux légumes, 2 francs. Soupe du jour, 1 franc. Œuf dur mayonnaise, 3 francs. Ce n'est pas cher. Qu'est-ce qu'il mange à la table voisine? De la soupe à l'oignon. Parfait. Prenons de la soupe à l'oignon, nous aussi. Bonjour, messieurs. Vous désirez? De la soupe. Bien, monsieur. Nous avons de la soupe. Et nos soupes sont excellentes. Vous aimez la soupe à l'oignon? Oui, beaucoup. Moi aussi. Alors, garçon, 2 soupes à l'oignon, s'il vous plaît, comme eux. Comme eux? Comme le monsieur et la dame de la table voisine. Très bien, monsieur. Ensuite, nos hors-d'œuvre variés sont très bons, monsieur. Et notre salade niçoise est très bonne aussi. Ah, je prends ça. J'adore la salade niçoise. Vous prenez 2 salades niçoises? Oui, c'est ça. Nous prenons 2 salades niçoises. Bien, monsieur.